Chapitre 3e. Juan Pascual était depuis un mois primer assistente de Séville, et pendant tout ce temps, un seul assassinat avait été commis. Mais l'auteur, Don Juan de Nalverde, ayant été soupçonné de ce meurtre, avait été arrêté le lendemain. Convaincu par des témoignages irrécusables, le primer assistente l'avait condamné à mort. Et malgré son grand nom et l'influence de sa famille, le roi Don Pedro ayant laissé cours à la justice, il fut exécuté sans miséricorde. Cet exemple avait été efficace. Il avait donné dès lors une haute idée de l'incorruptibilité de l'adresse du nouveau juge. Il est vrai que, pour première mesure, le primer assistente avait commencé par envoyer plus des trois quarts des alguazils en fonction sur son prédécesseur. Car presque tous recevaient des grands seigneurs dont le libertinage ou la vengeance avaient besoin de les trouver aveugles, une paye plus considérable que celle qu'ils tenaient de l'État. À leur place, il avait mis des hommes sûrs, et ayant organisé un corps de montagnards de 300 ou 400 hommes, il le divisait chaque soir en patrouilles nocturnes qui, dès que 9 heures étaient sonnées à la Giralda, parcouraient en tous sens les rues de Séville. Ces hommes, ainsi que leurs surveillants, placés de distance en distance dans les rues les plus désertes comme sur les places les plus fréquentées, avaient l'ordre formel de ne laisser stationner personne dans l'enfoncement des portes ni devant les grilles des fenêtres. C'était un service pénible, mais ces hommes étaient généreusement payés. Et comme sur son traitement qui était considérable, le primer assistente ne prenait que ce qui lui était strictement nécessaire pour vivre, il pouvait avec le surplus faire face au surcroît de dépenses occasionnées par l'augmentation de traitement qu'il avait cru devoir accorder à ses employés. Or, comme nous l'avons dit, depuis 12 ou 15 jours, contre toutes les habitudes nocturnes de la capitale de l'Andalousie, il ne s'était commis dans ces rues que quelques vols sans importance et dont les auteurs avaient été punis selon la loi, lorsque, par une nuit des plus sombres, Antonio Mendes, un des gardes de nuit en qui Juan Pascuale avait la plus entière confiance, vit venir à lui, dans une rue suspecte et écartée, un homme enveloppé de son manteau. Arrivé au milieu de la rue, cet homme s'arrêta un instant devant une fenêtre, frappa 3 fois dans ses mains, écouta si on lui répondait, puis, voyant que tout restait muet, il pensa sans doute que celui ou celle qui l'attendait n'était point encore à son poste et se promena en long et en large devant la maison. Jusque-là, il n'y avait rien à dire. Le cavalier n'était point stationnaire puisqu'il allait et venait d'un bout de la façade de la maison à l'autre bout. Aussi Antonio Mendes, esclave de sa consigne, se garda même de paraître, pensant qu'il n'y avait pas encore violation des ordres donnés. Cependant, au bout de quelques minutes, le cavalier parut se lasser d'attendre. Il s'arrêta de nouveau en face de la fenêtre et de nouveau frappa dans ses mains. Cet appel, quoiqu'il eût haussé de diapason, n'ayant pas eu plus de succès cette fois que la première, il résolut de prendre patience encore quelque temps, quoiqu'il fût facile de voir à ses jurons étouffés qu'il faisait pour agir ainsi violence à son caractère. Mais comme Juan Pascuale n'avait point défendu de jurer, pourvu qu'on jurât en marchant, et que le cavalier, tout en jurant, s'était remis à sa promenade, Antonio Mendes resta muet et immobile dans l'angle où il était caché, d'où il pouvait voir les moindres mouvements et même, pourvu qu'il parlât un peu haut, entendre jusqu'aux paroles du cavalier. Enfin, celui-ci s'arrêta une troisième fois, frappant cette fois ses mains l'une contre l'autre, de manière à réveiller les plus endormis. Voyant que tout était inutile, il résolut de se mettre en rapport plus direct avec ceux à qui il avait affaire. Il alla à la porte de la maison et y frappa du poing un coup si violent qu'à l'instant même, dans la conviction qu'un second coup pareil au premier mettrait la porte en dedans, une vieille femme ouvrit une fenêtre et, avançant la tête, demanda qui troublait le repos d'une maison honnête à pareille heure de la nuit. Le cavalier demeura étonné. Ce n'était point la voix qu'il était accoutumé d'entendre. Croyant d'abord s'être trompé, il regarda autour de lui. Mais reconnaissant parfaitement la maison pour être celle où sans doute il avait l'habitude d'être admis. « Que se passe-t-il donc ici ? » demanda-t-il, « et d'où vient que ce n'est point Paquita qui me répond ?»« Parce qu'elle est partie depuis ce matin avec Doña Leonor, sa maîtresse. »« Doña Leonor est partie !» s'écria le cavalier. « Par Santiago, qui a osé l'enlever ?»« Quelqu'un qui en avait le droit. Enfin, ce quelqu'un, quel est-il ? » ?»« Son frère, Don Salluste de Haro. » »« Tu mens, vieille !» s'écria le cavalier. « Je vous jure, par Notre-Dame del Pilar, ouvre-moi, et que je m'assure de la vérité par moi-même. J'ai l'ordre de ne recevoir personne en l'absence du seigneur Don Salluste, et surtout à cette heure. » « Vieille, dit le cavalier arrivé au dernier degré de l'exaspération, je te dis d'ouvrir ou j'enfonce la porte. »« Oh, la porte est solide, seigneur cavalier, et avant que vous l'ayez enfoncée, la garde sera venue. »« Et que m'importe la garde ? » s'écria l'inconnu. « La garde est faite pour les voleurs et les bohémiens, et non point pour les gentilshommes comme moi. » Oui, oui, c'était bien ainsi du temps de l'ancien primer assistente. Mais depuis que le roi Don Pedro, que Dieu conserve, a nommé Juan Pasquale à la place du seigneur Telesforo, la garde est faite pour tout le monde. Frappez donc tant que bon vous semblera, mais prenez garde de n'enfoncer d'autres portes que celles de la prison. » À ces mots, la vieille referma sa fenêtre. Le cavalier se précipita vers la jalousie, secoua les barreaux avec rage. Puis, voyant qu'ils étaient trop fortement scellés dans la muraille pour céder, il revint à la porte, contre laquelle il frappa de toute sa force avec le pommeau de son épée. Alors, Antonio Mendes, qui avait assisté, comme nous l'avons dit, à toute cette scène, crut que c'était le moment d'intervenir. « Seigneur cavalier, lui dit-il, vous m'excuserez si je vous fais observer, avec tout le respect que je dois à votre seigneurie, que passé 9 heures du soir, tout tapage est défendu dans les rues de Séville. Qui es-tu, drôle ? » demanda le cavalier en se retournant. « Je suis Antonio Mendes, chef des gardes de nuit du quartier de la Giralda. Passe ton chemin et laisse-moi tranquille. »« Sauf votre respect, monseigneur, c'est vous qui passerez le vôtre, attendu qu'il est défendu à tout promeneur nocturne de stationner à 7 heures devant aucune maison si ce n'est la sienne. »« J'en suis fâché, mon ami, » répondit le cavalier en se remettant à frapper, « mais je ne bougerai pas de cette place. »« Vous dites cela dans un moment de colère, seigneur, mais vous réfléchirez. »« Toutes mes réflexions sont faites, » répondit le cavalier, et il continua de frapper. « Ne me forcez pas à employer la violence, » dit le garde de nuit. « Contre moi ? » s'écria le cavalier. « Contre vous aussi bien que contre quiconque désobéit à l'autorité suprême du primer assistente. » « Il y a une autorité au-dessus de cette autorité suprême. Prends-y garde. » « Laquelle ? » « Celle du roi. » « Je ne la connais pas. » « Misérable. » « Le roi est le premier sujet de la loi. » Et le roi serait à votre place, que je mettrais un genou en terre comme je dois le faire devant mon souverain, et qu'un genou en terre, je lui dirais « Sire, retirez-vous. » Et s'il refusait ? S'il refusait, j'appellerais la garde de nuit, et je le ferais reconduire avec tout le respect qui lui est dû en son palais de l'Alcazar. Mais vous n'êtes pas le roi. Ainsi, une dernière fois, retirez-vous ou bien ? Ou bien ? Répéta le cavalier en riant. Ou bien je saurais vous y forcer, monseigneur. Continua le garde de nuit en étendant la main pour saisir l'inconnu au collet. « Misérable ! » dit le cavalier en faisant un bond en arrière et en dirigeant la pointe de son épée vers le garde de nuit. « Va-t'en ou tu es mort ?»« C'est vous qui me forcez à tirer l'épée, monseigneur, » dit Mendes. « Que le sang versé retombe donc sur vous !» Alors un combat terrible commença entre ces deux hommes, dont l'un était enflammé par la colère et l'autre soutenu par le droit. Le cavalier était adroit, et paraissait expert au plus haut degré dans le maniement de son arme. Mais Antonio Mendes était fort et agile comme un montagnard, de sorte que la lutte se soutint quelque temps sans avantage de part et d'autre. Enfin, l'épée du garde de nuit s'étant engagée dans le manteau de son adversaire, et le malheureux n'ayant pu ramener assez promptement la parade, celle du cavalier inconnu lui traversa la poitrine. Antonio Mendes jeta un cri et tomba. En ce moment, une légère lueur s'étant répandue dans la rue, le cavalier leva la tête et aperçut à la fenêtre d'une maison en face une vieille femme qui tenait une lampe à la main. Il s'enveloppa promptement de son manteau et s'éloigna avec rapidité, sans qu'à son grand étonnement, la vieille poussât un seul cri. Au contraire, la lueur disparut, la fenêtre se referma et la rue, retombée dans son obscurité, resta dans le silence.